Sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio Coups humains, un thème et 4 épisodes, à 17h et même à 23h. Cette semaine, Heureuse comme une arabe en France, une série documentaire d'Adila Benedjaizou réalisée par Anne Pérez Franchini. Au départ de cette série, il y a une documentariste qui cherche à se situer. Des femmes qui sont souvent françaises depuis des générations, des clichés, du racisme, beaucoup trop d'inconscience du côté des dominants et au départ, comme un poison, la colonisation. Mais il y a aussi celles qui se sont rebellées. Alors pour commencer, les personnages. Une documentariste qui cherche les femmes, une Marseillaise qui veille au grain, des pères parfois sévères, une femme de radio, des auditrices en fugue, une jeune Lyonnaise lookée qui volait de l'air, une militante contre l'égalité et un historien orgueilleux. Ensuite, le décor. Des bidonvilles, les réunions de parents d'élèves, fantômettes, une manifestation meurtrière, la beurette, la nationalité, des crimes racistes, la marche pour l'égalité, SOS racisme, les minguettes, un antiracisme raciste et des images pornographiques. Aujourd'hui, deuxième épisode, encore du cinéma. On allait à l'école jusqu'à 6h30. Et le soir, je préparais le repas pour ma sœur et pour mes frères quand les autres avaient fini de manger. À l'école, j'étais très bonne élève. Mes frères y détestaient la classe. Je les ai élevés comme ça pendant 8 ans. J'avais 16 ans quand mon père m'a dit que j'allais avoir une visite. J'allais passer mon bac dans un mois. J'avais presque 2 ans d'avance. Un vieux monsieur est arrivé et m'a dit qu'il allait me prendre chez lui à Alger en vacances au mois de juillet. Il a regardé mes dents et a dit à mon père qu'il me trouvait un peu maigre. On m'a fait faire un passeport. C'est là que j'ai appris que j'étais française. Le 30 juin, je suis partie en train à Marseille avec mon père. Mais au moment de monter dans le bateau, je lui ai dit... Dis-moi, papa. Oui. Est-ce que tu m'emmènes là-bas pour marier avec ce monsieur? Pourquoi tu demandes ça? Parce que si c'est ça, je suis très contente. Je l'aime beaucoup. Il est très gentil. Je suis contente qu'il te plaise. Il donne 20 000 francs pour t'épouser. Je me suis mise à courir loin du bateau. Heureuse comme une arabe en France. Oui, un documentaire de Adila. Adila. Adila. Adila. Ben Belgeidou. Réalisé par Anne Pérez Franchinili. Les marcheuses. Peut-être qu'on a mangé le cochon. Qu'on est venu. C'est vrai qu'on est arrivé en France. Peut-être qu'on a mangé le cochon. Je continue à explorer l'histoire des Nord-Africaines de France pour comprendre par qui et comment j'ai été colonisée. Et dans cette histoire à ma façon, il y a une place particulière pour celles que j'appelle les marcheuses. Celles qui ont décidé qu'elles faisaient partie de ce pays. Mais je vais d'abord m'intéresser à leur mère. Autant on commence à entendre parler des Chibani, ces vieux travailleurs immigrés qui ne sont plus ni travailleurs ni immigrés et qui continuent à hanter nos villes, autant les Chibanias sont encore invisibles et difficiles à rencontrer. Pour retrouver Adria, je suis allée dans les quartiers nord de Marseille où vit l'une des plus anciennes communautés nord-africaines de France. Vous, vous êtes arrivée en quelle année? En 63. Vous aviez quel âge? L'âge de 20 ans. Là, j'ai 77 ans. On va voir 60 ans qu'on est là, on l'a tardé. Ben là que ça passe, hein. Toute la jeunesse est partie là. Hein. Oui, c'est venu avec mon mari. Hein. Il faisait complètement. Il est venu 3 mois avant moi, et ouais. Après je suis venu moi. Avec la carte, c'est tout, hein, la carte française musulmane. Il n'y a pas de... À chercher à comprendre dans les bateaux, dans l'avion. Ouais. Voilà. Il n'y avait pas de visa, il n'y avait rien. Non. Non. Il faisait quoi, votre mari? Ma soeur, tu connais les Arabes, tu sais qu'ils partent à l'île en France. Ils travaillent tous maçons sur Marseille. On n'a pas été quelque part. Hein. Et vous vous êtes installé dans quel quartier? J'habitais 10 ans à Lustac. Après, je suis venu ici au Flamand. C'est bien la vérité. Pas de politique, il n'y a pas de bagarre, il n'y a pas de cris, il n'y a pas de... On était bien avec les Kabyles, un peu les Chaouis, un peu nous les Algériens, tout. On était mélangés, le Tunisien, Même je regrettais de déménager de l'Estaque. Hein. Tu connais avant, peut-être tu n'es pas né encore. Non. Les maisons, elles sont un peu des baraques, un peu des chalets, tu veux. Il n'y a pas d'eau l'eau dedans, et c'est mal logé. Mais en fait, c'était des bidonvilles en fait à l'Estaque. Voilà, voilà, voilà. Mais vous étiez quand même heureux. On était bien, la vérité, Allah. C'est l'assistance qui m'a fait me déménager là. Ici au Flamand. C'est des grands immeubles. Oui, on était bien quand même. Vous étiez à quel étage? Troisième étage. Avant que mes enfants tous à la maison, un T5. Après T4, et là j'étais 3. Avant, on amène à l'école, on la ramène, amène. On était derrière les enfants. Hein. C'est pas comme maintenant, non, non, non. Et vous aviez combien d'enfants? 5. Deux garçons, il est décédé, la Rabbi Rahman. J'ai un garçon, il est marié avec 3 enfants. Et les filles, 4 filles, ils sont mariés les autres. Et ils sont tous allés à l'école? Oui, ils ont été tous à l'école, oui, bien sûr. Vous, vous étiez allé à l'école en Algérie? Non, j'ai été quelques-uns, mais pas, j'oublie tout. Comment vous faisiez alors pour surveiller vos enfants, pour qu'ils travaillent à l'école et tout ça? Je le surveille, je l'amène à l'école, je le ramène. S'il y a une réunion, je vais à la réunion. Je sais quand même, je comprends quand même un petit peu. Là, c'est pas... je comprends un petit peu, je servais pour l'école. Si, par exemple, mes enfants, ils savent pas travailler ou quelque chose, il faut surveiller ou tout, je comprends un petit peu. Là. Je fais attention s'ils travaillent ou ne travaillent pas. Mais vous faisiez comment? Vous leur disiez, assieds-toi là. J'ai une fille, la grande, l'aînée, elle fait attention à ses frères. Elle m'aide. Et est-ce qu'il y a des fois où vous vous êtes dit que vous vouliez... retourner à l'école pour apprendre un peu à, ah oui. Au moins. Moi ouais. Ah oui, mais j'arrive pas. J'ai un mari un peu... Il est trop dur. J'ai pas suivi bien. Est-ce qu'il était trop sévère avec oui, vous? Oui, oui. Et vos enfants, ils vous disaient quoi? Ils vous disaient, maman, il faut que tu ailles à l'école? Ils vont souffrir avec moi. Ah bon? Tu connais les Arabes, nous, les Arabes. Non, je connais pas, ça veut dire quoi? Mais tu sais pas? Non. Nous, les Arabes, c'est dur de comprendre. Ils m'ont aidé quand même, mes enfants, un petit peu. Je peux pas aller de laisser mes enfants. Je peux pas. De sauver de la maison et je laisse les enfants. C'est obligé que j'ai accepté de rester. Il est méchant un peu. Ils veulent pas que je sors, ils veulent pas que... Que je fais quelque chose de ma tête. Hein. Il faut que je le demande. Ouais. Vous n'avez jamais travaillé? Non, mais je n'ai jamais travaillé, non. J'ai demandé avant. Ouh là là! Mon mari me disait, tu vas travailler. Alors moi, je reste à la maison et toi, va travailler. Le mari qui commande. Moi et mon mari, il n'y a pas de parler avec lui. Hein. Ah non, non, non. Ça fait 8 ans, il est décédé. Accident de travail. On a passé une vie pas tellement sympathique parce qu'on était dans le cri. Mais lui, il criait, mais vous aussi, vous criez? Je ne laisse pas faire. Hein. Ah bon? Eh oui. Il me insulte, je insulte moi aussi. Hein. Ah bon? Eh oui. C'est ça que je suis un peu mieux là parce que j'ai trouvé ma liberté. Vous aviez pas le choix, j'imagine. Votre mari, c'est les familles qui se sont mises d'accord pour vous marier? Non. Le mektoub, comme je dis, c'est le destin. Vous venez de quelle région? Annaba. Et vous l'avez rencontré à Annaba? Mon mari aussi, de Annaba. La même ville. Et vous avez construit une maison là-bas, à Annaba? Oui. Ouais. Et oui. Ouais. C'est ça que je vais à le bled, parce que j'ai la maison là-bas. On a souffert pour le faire. Zaman a compté de rentrer pour de bon. Malheureusement, on est là, en France. Je suis toujours, je dis, c'est pas mon pays là. Mais ils veulent pas, mes enfants, non. Ils sont là, hein, la moitié. Quand je suis venu de l'Algérie, j'ai amené que 2 filles avec moi. Donc, ils aiment, mais ils aiment pas qu'ils restent là-bas. C'est pas le même mentalité d'ici. Rien que moi, ça me plaît pas de rester beaucoup. Parce qu'on vit comme les Français. On a la même mentalité que les Français. Et là-bas, non. Ils sont durs, ils ont un caractère, c'est pas ça. Je préfère ici. Et voilà, on est bien, alhamdoulilah. On est âgés maintenant. On mange, on bouffe. Voilà, on attend la mort et c'est tout. Alhamdoulilah. Vous dites qu'on attend la mort, mais vous avez déjà décidé où est-ce que vous vouliez être enterré? Ah oui, à l'Algérie. Ah bon? Ah oui, j'ai l'assurance de décès. Je ne sais pas, c'est une compagnie de... qu'ils amènent le corps, le bled. Oui, moi je choisis là-bas. Et vous payez combien? 100 euros l'année. Alors moi aussi, non, ici jamais. Mais il y a vos enfants ici. Bethléem. Parce que, quand même, et c'est le corps, il n'y a personne qui paye. Un jour, il le lève, il laisse une place pour les autres, il le brûle, même tu payes, ça dépend les années. Quand il finit le délai, comment ça passe après? Parce qu'au bled, ils n'ont pas le droit de... Ah non, là-bas non, c'est pour toujours. Ah non, ici en France, moi jamais. Même j'ai dit à mes enfants, hein, jamais je m'enterre ici. Ah non. La mort, non. La chose la plus précieuse que les femmes arabes ont donnée à la France, c'est sans doute leurs enfants. Pour une femme immigrée, élever son enfant dans la culture du pays d'accueil, c'est accepter qu'il s'éloigne et courir le risque de devenir, à ses yeux aussi, une étrangère. Ma mère, au contraire d'Adria, a fait des études. Mais elle ne sait pas qui est Jean Rochefort, par exemple, ou Fantomette. J'ai longtemps considéré qu'elle n'était pas cultivée, jusqu'à ce que je réalise qu'elle avait une autre culture, moins légitime, celle de sa vie d'avant, de son pays d'avant. Vous êtes beaucoup de petits-enfants qui êtes venus de très loin. Et est-ce que vous pensez tous qu'il y a une différence entre les petits-enfants qui viennent d'Algérie, de Tunisie et du Maroc et les petits-enfants de France? Oui, ils parlent français, mais pas nous. Tu parles pas français, toi? On mange pas la même chose que les Français. Qu'est-ce que tu manges chez toi? Des lentilles, des haricots verts. Qu'est-ce que c'est que le Coran? C'est du poisson. On a très souvent appelé les filles d'immigrés la deuxième génération. L'expression est étrange. Pourquoi des personnes nées et vivant en France seraient-elles encore des immigrés? Bien entendu, c'est une façon d'interdire à l'enfant d'immigré de sortir de sa condition, mais c'est aussi le reflet du dilemme intérieur de ces femmes pour qui la question du retour est restée ouverte pendant très longtemps. C'est le cas pour Samia Messaoudi, une des fondatrices de Radio Beurre. Je suis née à Levallois-Perret, dans les Hauts-de-Seine. Je suis fille d'immigrés algériens. Mes parents sont venus il y a bien bien longtemps en France. Mon père était seul d'abord, travaillait dans l'automobile. Il avait 27 ans quand il est venu en France. 10 ans après, ma mère est venue. Donc elle était toute jeune, elle aussi. Et la fratrie est arrivée très vite. Donc on est 7 enfants. Moi je suis l'avant-dernière, mais nous sommes 2 puisque je suis première jumelle. Mon père nous le disait souvent, quand vous aurez fini vos études, on va repartir en Algérie, on va aller au village. Je suis de parents kabyles, donc moi, quand j'étais adolescente, je rêvais d'être une institutrice en Kabylie. Et puis toujours, il nous a dit, faut avoir la tête haute, il était comme ça un peu, faut pas vous laisser faire, il n'y a pas de raison, etc. Il fallait pas se laisser faire dans des injustices, il fallait s'affirmer ici, et puis il fallait être des bons éléments ici aussi. Fallait qu'on travaille bien à l'école, donc ça c'était aussi son truc. Hein. Quand on avait sur nos carnets de notes, mes frères ou nous, les filles, avec trop bavarde, il allait voir l'instit et puis ou les profs, ils disaient tirez-lui l'oreille, moi je vais me charger de l'autre le soir. Voilà, ma vie, elle a été aussi faite ce rapport avec la société française dans cette volonté de justice et d'égalité entre le jeu qui était l'histoire de mon père, mais quand j'entendais mon père parler, je me disais mais tous les émigrés, on les exploite. Si un dirigeant du FLN vous disait, Mohamed, ce soir, tu vas aller dans la rue, tu vas manifester, qu'est-ce que vous faites? Je vais aller s'ils me disent. Si je n'allais pas, ils vont me tuer. Si on se fait tuer, c'est pour notre droit. Le mardi 17 octobre, en fin d'après-midi, Plus de 30 000 Algériens répondent à l'appel du FLN, qui a prévu de les rassembler au cœur de Paris pour protester contre le couvre-feu. Tout le monde est parti tout simplement avec sa pièce d'identité, la femme avec son enfant ou l'homme avec son enfant, soit à la main, soit sur les bras, et c'est tout. Ce que j'ai vu au pont Saint-Michel était véritablement hallucinant. J'ai un souvenir de silence et de bruit des matraques contre les crânes. Et puis le lendemain matin, la marchande de journaux qui m'a vu avec mon bandage s'est mise à rigoler. Elle m'a dit « Les bigots qui vous ont fait ça ?» Vous aviez quel âge le 17 octobre 61, vous avez quel âge ? J'avais 6 ans. J'avais 6 ans parce que je suis de 55. Et j'avais deux frères aînés, j'avais une sœur aînée qui ont manifesté avec mes parents le 17 octobre. Et quand j'ai commencé à entendre parler du 17 octobre 61, c'était à mon adolescence, un peu plus. Ouais, j'avais 13-14 ans. Et mon père nous avait parlé de la manifestation, qu'il avait marché pour dénoncer, voilà, un couvre-feu. Il fallait que nous, on pouvait pas, les Algériens pouvaient pas sortir, qu'il y avait, etc. Il m'avait expliqué avec ses mots, enfin pas à moi, mais à la famille, tout ça. J'ai fait une dissertation sur le 17 octobre. Et j'ai interviewé mon père sur la manifestation. J'ai eu une bonne note. Et la prof m'avait dit que je voulais peut-être parler de Sharon. Et j'ai dit non, c'est pas Sharon. Vous savez, avant Sharon, il y a des Algériens qui ont manifesté, etc. Cette double appartenance, à la fois, je la sens positive, mais avec effectivement des fractures à des moments donnés de ma vie, même dans une vie personnelle, après, plus tard, affective, où je me donne un peu des temps pour me dire quelle relation je peux avoir avec un homme, par exemple, autour de mon histoire et de l'histoire de l'autre, qui n'est pas complètement de mon histoire. Et voilà, après, tu fais le pas et puis tu dis, on est dans une rencontre, on n'est pas dans une attitude sociologique de est-ce que je vais aller voir Jean-Jacques ou plutôt Mehdi. Je suis dans une histoire et... Mais longtemps, j'ai été interrogé sur ça. Que je me donnais à la fois cette vie d'une femme algérienne en France, où j'appartenais à la France, dans cette idée d'égalité, je le répète, mais aussi j'appartenais à l'Algérie. Et donc, j'étais partagée quand après, dans ces périodes-là de jeunesse, de jeune femme, j'avais la trentaine, d'être dans déjà des relations amoureuses, affectives, de m'interroger sur avec qui faire ma vie, quelle relation, jusqu'à quel bout je peux aller dans une relation, quand on sait que bon, une histoire peut être d'abord une aventure et puis après une vraie histoire. Je savais pas si j'allais être totalement comprise par l'autre qui n'était pas de ce groupe, avec tout ce que je portais moi comme double appartenance culturelle. Mais j'étais sûre que de toute façon, le copain avec qui j'ai été, français, il a accepté. Il m'a accepté dans cet entier, dans cette double appartenance. Mais bon, quand après, j'ai fait le pas. Mais au début, c'était ça, cette inquiétude de ne pas être reconnue dans une double appartenance. Mais bon, c'était pas dramatique dans le fond. Hein. C'était moi qui étais plutôt hésitante. Après, il faudrait demander à un psychanalyste. Mais... Et il n'y avait pas un sentiment de trahison ? Alors, mon sentiment de trahison... Je l'ai vécu, mais moi, je n'ai pas trahi. J'ai eu le sentiment de ne pas avoir trahi. C'était par rapport à l'identité. Nous sommes tous nés en France, frères et sœurs, et je suis la seule à ne pas avoir pris la nationalité française. Encore aujourd'hui, titre de séjour, tous les 10 ans, à la préfecture, etc. Radio Beurre, Radio Beurre, moi j'écoute. Radio Beurre, c'est ma radio préférée. Je ne peux plus m'en. Quand est-ce que vous créez Radio Beurre ? Radio Beurre est né en 81. Radio Beurre est né comme ces associations qui ont surgi de la vie associative possible pour les émigrés. C'était au moins, en tout cas, ça qui était gagné pour nous dans ce gouvernement de Mitterrand à l'époque. C'était dans un projet de campagne. Il y avait les radios libres. Il y avait la vie associative pour les émigrés. Et dans les radios libres, nous, on était dans une tradition orale. Donc on s'est dit, pourquoi on ne ferait pas de la radio ? Donc c'était un peu étonnant. Moi, je connaissais le groupe qui était un groupe d'Aubervilliers qui avait monté une association, l'ANGIE, l'association de la nouvelle génération immigrée, avec Nasser Kétan, qui est toujours le président de Beurre FM maintenant. Et dans les premières années de Beurre FM, qui s'appelait Radio Beurre à l'époque, Radio Beurre, les émissions que j'animais, elles étaient très interactives, où les auditeurs appelaient. Ah, moi, j'aimais beaucoup ça. Et donc, il y avait des fugueuses qui appelaient. Il y avait des jeunes filles qui appelaient. Je peux pas vous dire ce qu'on demandait. Alors, comment vous appelez? Vous appelez de quelle ville? Je peux pas vous le dire parce que moi, je suis partie de chez moi, parce que j'allais être mariée, etc. Donc, moi, j'ai entendu des choses comme ça. Alors, moi, d'où j'étais comme, tenant le micro, parlant à cette jeune fille, je pouvais pas lui dire, vous avez bien fait, juger de quoi que ce soit. Par contre, il y avait une avocate qui était là. Il y avait une juriste toujours. Leïla a 20 ans, élève au lycée Pierre de Coubertin de Meaux. Elle s'est rendue compte qu'elle ne pouvait plus vivre comme sa mère ou ses tantes et qu'elle aspirait à plus de liberté. Le 26 avril dernier, son père et son frère l'ont enlevée de force au lycée pour la mettre sous la garde de sa sœur aînée. De là, elle s'est échappée avec l'aide d'associations féminines. Depuis, elle vit cachée, mais Christiane Delacroix a réussi à la rencontrer, elle s'explique. J'aurais mené une vie qui n'est pas conforme à ce que ma famille veut. Donc il faut que je fuie pour pouvoir être libre. Au début des années 80, on parle beaucoup dans les médias des fugueuses maghrébines. Et comme souvent, quand ça concerne les femmes arabes, on a un effet de création de réel. Il y a évidemment eu des cas de fugueuses, mais en faire un phénomène social, c'est de la propagande. Et le problème, c'est que ça devient une prophétie autoréalisatrice. Car si on martèle à des jeunes femmes qu'elles n'ont pas d'autre alternative pour s'en sortir que de s'enfuir de chez elles, elles le font. Ce genre de choses va se produire plusieurs fois dans l'histoire des femmes arabes de France, mais dans les années 80, un autre discours chasse la question des fugueuses. L'actualité est au crime raciste. En France, c'est un mélange de stupeur et d'indignation qui se manifeste un peu partout après l'assassinat horrible d'un jeune nord-africain de 26 ans. Habib Krimsi a été jeté par la fenêtre du train Bordeaux-Vintimille après avoir été proprement massacré par de futurs recrues de la Légion étrangère. Cela s'est passé dans la cité des 4000, un ensemble qui abrite des travailleurs immigrés en grande partie. On ne sait toujours pas qui a tiré sur le petit Toufik, le coup est parti d'une fenêtre et l'enfant est mort. Il y a aussi tous ceux qui tuent à blanc, avec les mots. Grand bravo pour ces jeunes militaires et les autres qui ont tué les bicots. On en a marre des bougnoules algériens et même des nègres. La France aux Français, qu'ils refoutent le camp dans leur bled et qu'ils y crèvent de faim. 81, changement de gouvernement. François Mitterrand rappelle que l'immigration est une chance pour la France. On donnera le droit de vote aux étrangers. Toujours pas vu, le droit de vote aux immigrés. 83, deux années après, on tue des Algériens, on sort une 22 long rifle, on est toujours haineux envers l'autre. La guerre d'Algérie est pourtant quand même un petit peu loin, quoi. Et pourtant, faut encore dire Algérie française dans les manifestations, on entend encore ça. Et puis, on a la gâchette facile, donc des jeunes décident d'organiser une marche contre le racisme et pour l'égalité des droits. Et puis le 15 octobre, le maigre cortège de la marche de l'égalité, 16 au départ de Marseille. Un mois et demi plus tard, de la Bastille à Montparnasse, la croisade confidentielle s'est muée en manifestation géante. Bonjour, bonjour de Radio Beurre. Vous êtes toujours sur Radio Beurre 98. Et Radio Beurre allait être le relais tout au long de la marche, des étapes de cette marche pour l'égalité. Et tout au long de cette traversée de la France, moi j'ai marché 15 jours, il y avait l'idée qu'il fallait rencontrer le peuple de France. 60 000 personnes. Et puis plus on avançait, plus ça grossissait, et plus ça grossissait, plus ça espérait qu'on allait avoir des acquis sur ce droit de vote des émigrés. Les marcheuses et les marcheurs sont reçus par François Mitterrand à l'Élysée. C'est la consécration. La France socialiste a accueilli les immigrés dans son giron. On se congratule, sans remarquer que le droit de vote des étrangers, une des promesses de campagne de François Mitterrand et aussi une des revendications principales de la marche, n'a pas été accordé. Mais les marcheuses et les marcheurs, car pour une courte période, on ne dissocie pas les femmes des hommes, ont gagné des choses moins visibles, plus profondes. Ils sont la première génération qui renonce explicitement au retour. S'ils n'avaient pas fait ce choix, ils ne seraient pas dans la rue en train de réclamer des droits. Les marcheurs le disent haut et fort, ils sont le nouveau visage de la France et les enfants des immigrés nord-africains, d'où qu'ils soient, peuvent se reconnaître et exister collectivement. C'est le moment où Farida Belroul rejoint le mouvement. Lorsqu'il y a eu la marche des beurs de 83, je l'ai regardée un peu de loin parce que moi je n'étais pas une marcheuse. Et très vite j'ai rejoint le collectif après la marche qui tenait des réunions régulièrement à Ménilmontant. Je me suis intégrée dans ce collectif. Et là, je me suis rendu compte que la Marche des Beurs, c'était une histoire, une légende, mais que derrière, dans les coulisses, ce qu'on nous avait raconté n'était pas vrai. Il ne s'agissait pas d'une initiative qui avait été conçue et portée par les jeunes des Minguettes. Et c'est comme ça qu'à quelques-uns, et à mon initiative, je le reconnais, on a lancé une deuxième action nationale qui s'appelait Convergence 84 pour l'égalité, parce qu'à l'époque, l'égalité nous apparaissait comme une notion positive. Et on avait donc 5 parcours, un qui partait de Lille, l'autre de Toulouse, Marseille, Strasbourg et Brest. Moi, j'étais la responsable du trajet Marseille-Paris, qui était historiquement connoté, puisque c'était le trajet de la Marche des Beurs l'année précédente. Et là, j'ai rencontré des jeunes marcheurs de l'année précédente, des antiracistes de l'année précédente, et j'ai remarqué, observé immédiatement, très vite, le double discours et l'imposture qu'avait été la Marche des Beurs. Donc, il y a eu une fracture au milieu de Convergence, à l'étape de Valence et de Dijon aussi, où je suis entré en rupture avec les antiracistes de gauche. Le double discours, c'était par exemple, les violences policières font du mal à la jeunesse immigrée. Oui, il y a des crimes sécuritaires, parce que moi je refusais de les appeler racistes à l'époque. Mais en même temps, c'est normal, parce que il faut bien que la police fasse son œuvre. Sur les quotas des logements, par exemple, c'était pareil. On considérait que d'un point de vue, la gauche disait, oui, les quotas c'est scandaleux pour l'attribution des logements. Mais en même temps, quand il y a trop d'immigrés dans un immeuble, ça fout le bazar. Donc ce double discours était intenable. À servir le racisme à toutes les sauces, on finit par le banaliser. Et surtout, occulter les problèmes qui ne sont pas exclusivement ceux de l'immigration. C'est une véritable convergence des discours. Les fachos et l'archétype des invasions barbares. Les gauchos et l'étendard de la révolte des damnés de la terre. Les cathos au nom de la compassion. Rien d'étonnant à ce que les habitants des cités périphériques plient sous le poids des symboles. Alors que les marcheurs se déchirent, les proches du Parti Socialiste, aguerris aux méthodes de l'agitprop, créent l'association SOS Racisme, qui distribue ses badges en forme de main paume ouverte dès l'arrivée de Convergence 84. L'engouement pour les beurs, c'était un engouement de faciès. Il y avait avant eu la chasse aux faciès, et après la Marche des Beurs et Convergence, on a eu l'engouement aux faciès. À l'époque, Farida Belroul proteste contre ce détournement, mais il n'y a pas grand monde pour l'écouter. Du haut de mes 11 ans, en tous les cas, moi, je ne l'ai pas entendu. Et je me souviens très bien de l'avoir porté ce badge « Touche pas à mon pote » et de croire à fond à la société gentiment multiculturelle défendue par Harlem Désir et sa bande. Ça allait si bien avec Sydney, le hip-hop et les mitaines fluo. L'antiracisme était branché. Toutes les embûches, toutes les fausses informations ont eu cours. La récupération par-ci, trop de juifs par-là, les arabes ceci, les arabes cela. Pourtant vous êtes là, parce que vous le savez, ce mouvement n'appartient à personne. Je ne me doutais pas que mes nouveaux potes avaient enseveli sous un plan média gigantesque l'émergence fragile d'un groupe auquel j'appartenais. Et je ne vois pas non plus qu'en dehors de la marche, les beurs et surtout les beurettes n'ont plus rien de politique. Sur le terrain, 22 joueuses qui entendent bien prouver que le foot n'est pas réservé au sexe dit fort. Dans le quartier de Bagatelle, l'automne dernier, 15 beurettes ont monté une équipe et depuis elles dominent leur poule en championnat. Au-delà du foot, c'est bien sûr l'une des multiples tentatives d'intégration dans un quartier défavorisé. Si les filles maghrébines commencent à rentrer sur le terrain, je pense que quand elles retourneront après dans les foyers, elles pourront amener autre chose. Tu te fais pas, mon pote. L'histoire culturelle des Maghrébins en France, c'est une approche scientifique que j'ai portée au début des années 2000. Sur un angle mort de l'histoire de l'immigration, la production scientifique, culturelle et intellectuelle de l'immigration, du point de vue de sa prise de parole sensible dans différentes disciplines artistiques, et en l'occurrence, c'était la littérature, les arts plastiques, la chanson populaire et d'autres formes d'expression. Naïma Yahi, comment elle apparaît par exemple la beurette ? Comment elle apparaît ? Déjà dans les années 80, elle apparaît de manière un peu branchée, à l'avant-garde, ébouriffée, bouclée, elle a les yeux noirs, charbonneux. C'est un peu Farida Khalfa, cette mannequin venue de la banlieue lyonnaise qui va conquérir les podiums et être l'égérie de Jean-Paul Gaultier ou bien sûr de Good. Ce sera la figure de cette femme métisse qui devra être le modèle de la beauté des années 80. J'ai en tête un reportage du Nouvel Obs à l'époque qui mettait en scène cette figure de Farida Khalfa comme étant la figure de la modernité, de l'avenir. Je pense que ces icônes ont été importantes aussi pour qu'une génération s'implique et se sente légitime dans l'espace médiatique. Dans les années 80, on disait que la beurette était l'avenir du beurre. C'était vécu comme un compliment. Il s'agissait de passer par les filles comme courroie de transmission dans l'intégration. C'était par les filles que l'éducation allait se faire. C'était par les filles que l'ascension sociale allait se faire versus le garçon arabe qui était ce voyou en devenir, cet élément perturbateur comme l'était le fellaha. Et on retrouve comme ça cette pression sociale sur les épaules des filles qu'il fallait à tout prix émanciper, comme leur mère qu'on essayait de dévoiler pendant la période coloniale. La dessiner, c'est relativement facile. Un très beau nez, une très belle bouche et un menton volontaire. La photographie, c'est déjà plus difficile. Farida Khalfa, vous avez grandi à côté de Lyon ? Ouais. À Vénissieux ? Ouais. C'était comment à l'époque ? C'était super, moi j'adorais la ZUP, j'aimais bien les tours, j'avais mes amis. En fait, on est arrivé aux Minguettes d'un endroit qui s'appelait Oulin, qui était une ancienne tannerie. Donc la ZUP, c'était déjà on avait une salle de bain, donc c'était extraordinaire. Donc on n'avait pas ça, on se lavait dans une bassine autrefois. Et c'était le super luxe, le F5 à la ZUP. Vraiment, vraiment. Et j'ai quand même des très bons souvenirs de là-bas. C'est quelque chose de... C'est mon enfance, mon adolescence, et c'est d'une certaine manière ce qui m'a structurée, quoi. Voilà. Le pays, ça comptait ? Ça comptait énormément pour mes parents. Ils avaient le mythe du retour constamment. Genre, il fallait que un jour on retournerait en Algérie, ce qu'on n'a jamais fait. Quel rapport vous entreteniez avec ce pays ? Vous vous disiez, c'est mon pays ? Vous disiez quoi ? Je me disais, c'est mon pays. Ouais. Je suis algérienne. D'ailleurs, j'étais algérienne. Je suis restée algérienne jusqu'à 30 ans. Même si j'étais née en France, j'étais vraiment, algérienne. Pourquoi vous êtes restée algérienne jusqu'à 30 ans? En fait, c'est un peu compliqué. Comme je suis partie de chez mes parents en étant mineure, ce qu'il fallait, c'était, pour avoir les papiers français, faire une demande avant 18 ans. Donc, avant la majorité, ce que je n'ai pas fait puisque j'étais une jeune fugueuse, donc je ne pouvais pas aller demander mes papiers, donc je ne l'ai pas fait. Et ensuite, ça a pris un temps fou. Vous êtes partie à 14 ans ? Non. Je suis partie plus tard. Je suis partie, j'étais mineure. Et en fait, c'était ça, c'était la liberté ou la mort. Voilà, moi, j'étais assez comme ça. Je n'avais pas le droit de sortir, je n'avais pas le droit de faire du sport, je n'avais pas le droit d'aller à la patinoire, je n'avais pas le droit d'aller au cinéma, je n'avais pas le droit de sortir le dimanche après-midi, le samedi après-midi, le jeudi après-midi. Donc oui, je n'étais pas libre. J'étais très jusqu'au boutiste et ce que je voulais, c'était être libre. Et je suis libre. Je suis partie sur un coup de tête plutôt, en fait. J'avais ma carte de séjour sur moi parce que je savais que les papiers, c'était très important. Donc je l'avais sur moi depuis 6 mois. Et je savais que c'était que ça allait arriver. Je ne savais pas quand. Et voilà. J'ai fait du stop, comme on faisait à l'époque. Et voilà. Et c'est tout. Et je suis tombée sur un routier sympa. Car les routiers sont sympas. Je le dis, je le confirme. Mais bon, j'avais pas peur. Rien ne faisait peur. Toutes mes sœurs sont parties, donc elles m'ont ouvert la voie d'une certaine manière. Comment ça se passe quand on est une jeune fille qui arrive à Paris comme ça, sans contact ? Eh bien, on galère, on marche dans Paris, je n'avais jamais pris le métro, on découvre Paris, mais je trouvais ça tellement merveilleux. C'était, pour moi, c'était la ville des Lumières, c'était vraiment la liberté, quoi. Après, j'ai la vie, quoi. La vie m'a happée, la liberté m'a prise. Et je suis allée au palace, j'ai sorti, j'ai rencontré plein de gens. J'ai rencontré Christian Louboutin, chez qui j'ai habité chez Pierre et Gilles, qui sont des artistes avec qui j'étais très proche, avec qui j'ai beaucoup travaillé. J'habitais à droite à gauche, quoi. Voilà, je campais chez les gens. Je suis arrivée au bon endroit et au bon moment, avec vraiment des gens extrêmement bienveillants, qui m'ont accueillie à bras ouverts, qui ont vraiment été super, et j'ai eu beaucoup de chance, en fait. Beaucoup de chance. Vous êtes nombreuses à être algériennes au Palace à cette époque. Bah oui, il y avait mes sœurs déjà, moi. Il y avait les trans algériennes qui étaient sublimes, des grandes beautés. Il y avait des Algériens de banlieue, enfin d'origine algérienne de banlieue. C'est-à-dire que Fabrice Aymer, qui était le propriétaire du Palace, était très ouvert à la multiculture. À cette époque-là, c'était pas du tout, il y avait pas de ségrégation en fait. C'était le monde de la nuit est très ouvert. Donc si on était beau et qu'on avait le bon look, on rentrait quoi. C'était notre vie, le Palace. On vivait que pour ça, que pour sortir, comment s'habiller, on faisait rien d'autre en fait. Donc c'était la jeunesse et la liberté quoi. Je savais pas vraiment si j'avais envie de faire autre chose. Je savais pas ce que je voulais faire. Je ne savais pas du tout. Je n'avais pas de rêve, ni de plan de carrière, ni de... Je savais pas. Au Palace, j'ai rencontré Jean-Paul Gaultier, Thierry Mugler. Donc voilà, tous ces gens m'ont pris pour leur show. Donc j'ai commencé à travailler et c'est comme ça que je suis devenue mannequin. En fait, j'avais un rapport très particulier avec les couturiers. J'étais proche d'eux. Ils m'avaient très souvent choisi pour mon style parce que j'avais un look assez fort à l'époque. Quand ils me proposaient des vêtements, je disais non, ça je mets pas. Non, oublie. Oui, ça. Donc en fait, c'était un échange. J'étais pas vraiment un mannequin. C'était pas. Vous savez, il y a des filles sur qui on peut mettre tout. Moi, je ne pouvais pas être comme ça. Il me fallait vraiment quelque chose adapté à moi, à mon style. J'aimais bien les smokings. Je trouvais que c'était très chic, très élégant. Comme j'avais des grands cheveux très longs, la bouche très rouge, j'étais très pulpeuse, le truc un peu androgyne cassait un peu avec cette image de fille pulpeuse. Vous avez entendu parler de la marche des beurs dès le début ou... Dès le début, ouais, absolument. Bon, faut dire que la marche des beurs est partie des Minguettes, donc de là où j'habitais. Et ça a été un mouvement exceptionnel, c'est-à-dire que nous étions la première génération d'Algériens nés en France, d'origine algérienne en tout cas nés en France, mais toujours pas considérés comme des Français. Et voilà. Vous avez eu envie de la rejoindre, cette marche ? Non. Ça m'appartenait pas. Moi, j'étais partie, j'étais déjà à Paris, ma vie avait changé. C'était un mouvement que j'encourageais, mais fortement. Mais moi, je fais pas partie d'un groupe, je suis un individu et je me percevais comme ça, et les autres me percevaient comme ça aussi. Vous avez repris contact avec vos parents après votre départ ? Oui, plus tard. Je sais pas, j'avais 22, 23 ans, ouais. Et à partir du moment où vous êtes revenu, ils vous ont pardonné ? C'est jamais pardonné dans le monde arabe. On a la rancune tenace, mais bon, disons que ça s'est pacifié, quoi, un peu. Ils sont venus vous voir à Paris, par exemple ? Jamais. Vous savez, les musulmans sont des gens très pudiques. Donc, ils ne parlent pas, on ne montre pas ses sentiments. C'est presque haram, comme on dit en arabe. J'ai toujours pensé qu'ils avaient honte de moi. Ils auraient rêvé que j'épouse un jeune issu des banlieues comme moi et que je fasse, que je crée une famille et que voilà, que je fasse une vie sans secousses. Je ne sais pas si c'est pareil pour toutes les femmes de ma génération, mais pour moi, Farida Khalfa a été très importante, bien plus importante que la marche des beurs. C'était la Cendrillon berbère. Moi qui avais toujours eu le sentiment d'avoir trop de nez, trop de lèvres, trop de cheveux pour être belle. Je me reconnaissais dans ses lèvres épaisses, sa tignasse indomptable. Farida représentait un espoir pour moi. On pouvait être beurre et belle. La mode beurre a été à la fois une victoire et une énorme supercherie à laquelle j'ai adhéré à fond. J'y croyais à la France black blanc beurre et j'ai longtemps pensé que le racisme était réservé aux électeurs du Front National. Ce n'était pas le cas de Farida Belhroul qui avait vécu les choses de l'intérieur et qui s'est vite détournée de l'antiracisme. L'antiracisme pour moi, comme le racisme, ce sont les deux faces d'une médaille qui se répondent. Et à l'égard de cette sphère, je ne peux plus m'identifier à ça. J'ai été très influencée par un ouvrage de Ralph Ellison qui s'intitulait « Homme invisible, pour qui chantes-tu ?» Et il s'agissait du noir américain. Et dans cet ouvrage extraordinaire, j'ai compris, et ça a profondément influencé mes activités ultérieures, j'ai compris que nos amis, nos alliés, ceux qui se déclaraient comme tels, c'est-à-dire les antiracistes par exemple, ben, finalement étaient une catégorie de gens à interroger. Et sur la base de l'expérience des Noirs américains avec la fin de l'esclavage, eh bien, les Noirs américains ont montré que les antiracistes qui soi-disant étaient les amis des Noirs américains, finalement, étaient peut-être leurs plus grands adversaires. Et ceux qui étaient les esclavagistes, paradoxalement, pouvaient être ceux qui pouvaient constituer des interlocuteurs crédibles parce qu'ils étaient francs. Alors que dans le double discours des antiracistes, évidemment, il s'égarait, il était manipulé et il ne trouvait pas d'issue à une identité qu'on lui renvoyait de manière extrêmement floue. Moi, je me suis jamais intéressé à l'antiracisme. Ça, c'est une légende qui me pèse. Parce qu'on m'a dit que j'étais d'extrême gauche, j'ai jamais été d'extrême gauche. J'ai été de gauche, oui, certainement. J'ai été membre des jeunesses communistes pendant 3 ans, je crois. J'en ai vite sorti ma petite personne de là parce que je me suis vite rendu compte que c'était pas ma place pour des raisons qui tiennent au fait que la gauche m'est rapidement apparue comme une idéologie et comme des organisations, puisqu'elle s'éclate la gauche dans différentes organisations, évidemment, qui n'avaient rien à voir avec ce à quoi j'aspirais. Ce à quoi j'aspirais, c'est quand même à une transcendance. Et cette transcendance, on peut pas la trouver dans la gauche. Cette transcendance, elle porte un nom en termes religieux, c'est Dieu. Mais après nos échecs dans la République française, avec notamment toutes les manœuvres du Parti socialiste, à la tête desquelles se trouvaient des gens comme, évidemment, François Mitterrand, Julien Drey, Attali et compagnie, Bernard-Henri Lévy également, eh bien, on s'est retrouvé à quelques-uns à se poser des questions existentielles. Et ces questions existentielles nous ont ramenés à reposer la question de Dieu et, en ce qui me concerne, moi, à me convertir à l'islam, alors même que j'étais né dans une religion familiale qui était l'islam. Mais disons que je considère que je me suis converti à l'islam. Être dans le mouvement beurre, c'était finalement un passage obligé que je remettrai jamais en cause, mais qui, si je devais le refaire, par exemple, sur les mêmes bases aujourd'hui, je ne le ferais pas. Parce que c'était un mouvement qui, justement, n'avait pas d'attache avec ce qui me paraît aujourd'hui extrêmement important, c'est le respect de la loi naturelle qui est pour moi fondamentale. Mais ce qui m'intéresse, c'est comment vous conjuguez vos engagements pour l'égalité et la justice sociale de votre geste avec aujourd'hui la question de la loi naturelle. Et qu'est-ce que vous construisez en face d'un antiraciste ou d'un raciste ? Je suis sortie de ces deux idéologies. L'antiracisme est une idéologie politique de la gauche manipulatoire des populations. L'égalité écrase tout. L'égalité ne fait plus de différence. L'égalité est une uniformisation. L'égalité est une volonté de faire entrer tout le monde dans un moule standard, au point même qu'on en arrive aujourd'hui à remettre en cause la différenciation sexuelle. On ne peut pas tous adhérer à la loi naturelle. Vous dites que c'est quelque chose que vous avez découvert après un certain nombre d'années dans votre vie. On n'est pas tous obligés d'y obéir. Moi, par exemple, je n'y crois pas du tout à cette loi naturelle. La loi naturelle n'est pas une opinion. On n'adhère pas à la loi naturelle. Votre question, elle est déplacée dans le sens où on a peut-être eu le tort de ne pas définir d'abord ce que c'était que la loi naturelle. La loi naturelle, c'est que je suis une femme et que Roman est un homme. La loi naturelle, c'est que le jour se lève et la nuit tombe. La loi naturelle, c'est il pleut. La loi naturelle, c'est une femme est enceinte après un rapport sexuel fécond. On ne peut pas accoucher par la bouche, par exemple, vous voyez, jusqu'à nouvel ordre. Mais on peut tomber enceinte après, sans rapport sexuel fécond. Ça me frappe parce que je suis extrêmement admirative de votre parcours et en même temps, on est hyper loin l'une de l'autre. Moi, par exemple, pour vous dire à quel point on est loin, je viens d'avoir un bébé par fécondation in vitro et je ne vois pas au nom de quelle loi naturelle j'aurais pas le droit de l'avoir. Oui, vous n'avez pas le droit de l'avoir. Je pense que c'est détruire ce dont tout être humain a besoin, c'est-à-dire de racines connue et forte. Vous connaissez le père ? Non. Je connais ni le père ni la mère. C'est très grave. Vous allez voir, vous allez payer cher avec l'enfant. Il vaut mieux avoir une vie très compliquée avec un père avec lequel ça se passe pas bien parce que la question de la racine est très importante. Vous allez voir, ce que je vous dis, vous vous rappellerez de moi. Parce que je connais plein d'enfants qui n'ont pas été l'objet de fécondation in vitro, hein, mais qui sont divorcés, qui n'ont pas connu leur père, ou dont les pères sont des pervers violents, enfin, vous voyez, des choses affreuses, quoi. Je peux vous dire que c'est extrêmement dur. Ah bah oui, bah, moi je préfère que mon... pas de père, c'est épouvantable. C'est-à-dire qu'il préfère le père pervers que l'absence de père. Bah ça, on ne saura jamais ce qu'il préfère, parce que personne n'a pu comparer. Bah si, moi je me dis que moi, oui. Bon, enfin, il n'y a pas de... Bah vous verrez. ...qui dit ça. Bah, malheureusement. Vous allez voir ce que ça va donner. Du coup, vous me... Ah, vous allez voir, vous me prédisez un avenir funeste avec mon affreux. Fils. Affreux. Non, c'est vrai, hein, ça va être affreux. Je vous jure que ça va être affreux. Parce qu'il va vous en vouloir, vous ne pouvez même pas imaginer à quel point. Et vous allez vivre des heures. Il est très profond, le fossé entre Farida Belroul et moi. Car il faut savoir que sa colère l'a amené jusqu'à faire alliance avec l'idéologue d'extrême droite Alain Soral. Surtout, je le trouve très triste, ce fossé. Il est triste parce que nous rejouons une comédie éternelle. Moi, dans le rôle de la femme arabe, intégrée avec zèle, qui a épousé l'athéisme, les théories du genre et la soi-disant ultramodernité française, et elle, dans celui de la femme arabe qui a résisté et s'est repliée sur ses valeurs traditionnelles. D'où ça vient cette binarité? Des fugueuses? Des cérémonies de dévoilement? De plus loin encore? Ça m'a donné envie de revenir à Sherifa, la grand-mère que je me suis inventée. Cette prostituée photographiée nue, les jambes écartées devant un bordel de Casablanca. Je suis à la recherche, enfin, en tous les cas, j'aimerais bien essayer de retrouver une des femmes qui sont représentées dans les photos du livre « Sexe, race et colonie ». Ce qui serait intéressant, c'est de savoir comment et pourquoi mettre de côté les jugements moraux, les jugements de valeur, pour comprendre la dimension systémique d'une telle représentation du corps des femmes. Je pense que ce n'est vraiment pas... L'intérêt de rencontrer la personne de la photo, c'est vraiment plus de comprendre ces photographes. Quels étaient-ils? Pour quel système travaillaient-ils? Quels étaient leurs inconscients? Pour quel public? Pourquoi ces images constituent-elles encore aujourd'hui un corpus d'images les plus demandés chez les collectionneurs? Il faut le savoir. Les cartes postales coloniales, c'est ce qui coûte le plus cher. Quand c'est les cartes postales de nu, c'est ce qui est le plus cher à la vente. C'est pas les paysages... Je ne sais quoi, c'est vraiment ces images-là qui continuent d'obséder les collectionneurs. Et je pense que c'est là-dessus que vous devriez vous pencher, vous, au lieu de chercher la femme, peut-être chercher la femme arabe qui est en vous, pour comprendre comment, vous-même, votre rapport au monde, ce qu'il reste en vous, de cette femme sur la photo, mais aussi de la personne qui la regarde. Je pense que c'est un peu plus ça que vous devriez chercher. Non mais me dites pas ce que je dois faire, enfin. En fait, si. Parfois, il faut accepter de se laisser dicter ce qu'on doit faire. Je suis donc allée voir Pascal Blanchard, qui a dirigé la publication de Sexe, race et colonie, et qui prépare les futures éditions en langues étrangères du livre. Il s'est montré très réactif quand j'ai parlé des critiques qui reprochent au livre d'exercer une nouvelle forme de violence coloniale. Est-ce que ça, c'est en réaction aux critiques qui ont été faites à l'ouvrage entre quand autres, il est sorti? Oui, bien sûr. Entre autres, aux critiques, enfin, pour lesquelles les critiques, de façon, les plus pointues, vous les avez pas lues. Vous avez, vu l'éditorial de Harper's? Non, je pensais plus aux critiques qui sont venues des milieux racisés. C'est autre chose, ça. Lesquels? Le texte de Diallo, que vous avez pas lu? La tribune de Case Rebelle, par exemple. C'est de ça vous voulez me parler? De ce texte qui est purement idéologique? Et qui d'un seul coup devrait interdire à un petit blanc d'écrire un livre là-dessus? C'est comment d'un seul coup, parce que je suis blanc, on considérait que je ne peux pas produire un type de travail qui parle des racisés? Je trouvais juste qu'elle soulevait quelque chose d'intéressant, qui est, est-ce qu'aujourd'hui on peut faire ces choses-là sans se poser de questions? Mais bien sûr que je me pose des questions, 50 questions s'est posées, vous ne savez pas le nombre d'images qu'on a appartenues, vous ne savez pas les débats qu'on a fait, le nombre de textes qu'on a refusés. Je me les pose, ces questions-là. Deuxièmement, je pense que nous avons été chercher les meilleurs au monde sans à aucun moment ne se soucier de leur sexe ou de la couleur de leur peau. 52% des auteurs sont pas blancs. Je suis tranquille. J'ai la bonne conscience pour moi. Et 57% sont des femmes. J'ai une très très bonne conscience pour moi. Par contre, eux, à part avoir fait une tribune, ils n'ont rien branlé. Attendez, il y a de l'idéologie derrière tout ça, on est parfaitement d'accord. On est dans un champ où aujourd'hui, travailler sur ces questions-là quand on est blanc, c'est compliqué. C'est devenu un enjeu depuis Exhibit B ou les commémorations de la marche des beurs de 93. En 2013, ça a été fait. De 83 en 2013, il y avait déjà des tensions qui existaient. Je suis pas un imbécile, je vis dans ce milieu-là depuis 30 ans. Je le connais par cœur, les enjeux. Parce que je pense que justement, ces images doivent être gardées en commun. Elles n'appartiennent à personne. Pas plus à moi qu'à un racisé. Donc c'est un mauvais procès. États-Unis, le livre, nous sortons aux États-Unis, je peux vous dire que les enjeux vont être bien supérieurs à des petits branleurs qui sont venus m'embêter en France. Hein, parce que c'est du pipi de chat, eux. Hein. C'est ce qu'il va y avoir un énorme travail de préparation. Alors là, j'emmène la grosse batterie. Hein, Achille Mbembe, Mabankou, Elsa Dorlin. Pour commencer à expliquer le travail avec nos collègues américains. Pour justement expliquer le pourquoi il faut montrer ces images. C'est pas le même problème des féministes aux États-Unis ou des racisés. Hein. Eux, ils ont déjà passé ce cap-là il y a 15 ans. Au moment de la question sur le lynchage, les images sur le lynchage, il y a eu beaucoup de débats aux États-Unis. Aux États-Unis, la vraie question, c'est est-ce qu'un homme blanc est légitime pour faire ça? Soyons très très clairs. Ça se résume à suis-je légitime pour parler de ça? Voilà. Donc tout le débat qu'on va avoir va être est-ce que même qu'on soit un homme blanc avec 400 femmes hein, dans le livre, ça ne changera rien au débat. Ouais. C'est déjà, est-ce qu'un homme... C'est pas un peu la même question qui a été posée par Case Rebelle. Certainement. À sa manière. Moi, je pense que c'est le cœur du débat. Parce que le problème, c'est d'un moment avoir un doute. Ça voudrait dire que je me serais pas posé la question avant avec mes collègues, en tant qu'homme blanc de plus de 50 ans, est-ce que je suis légitime pour travailler là-dessus? Je suis légitime. On peut pas dire aujourd'hui que dans le monde de la recherche, nous ne soyons que blancs. Ils ont qu'à faire des livres. Ça va les occuper, non? Vous savez, la grande différence entre un tweet et un livre, c'est que le faire un livre, c'est du boulot. Et qu'en plus, ils sont flemmards. En parlant avec Pascal Blanchard, j'ai compris une chose qui me chiffonne avec ce livre. Ce n'est pas tant ce qu'il montre que la façon dont il le montre. Parfois, dans la vie, tout est une question de ton. Il y a un point sur lequel je suis vraiment pas d'accord. Je crois que le monde de la recherche, et c'est entre autres ce que reflète ce livre, est plutôt très blanc. Pour vous donner un exemple, je vais vous lire une liste de noms de chercheurs du CNRS. Et comme je n'aime pas la facilité, je ne suis pas allée chercher des spécialistes de littérature médiévale, mais les membres de l'Institut des mondes africains. Awenengo d'Alberto, Barthélémy, Bosque Thiessé, Broca, Celius, Cheriana Mainry, Tchartcha, Fancello, Falconieri, Fouquet, Holder, Gary Tunkara, Jolie, Lefebvre, Lemaire, Liberski, Bagnou, Malaquet, Mbodj Pouy, Pennec, Rinucci, Roy, Tanari, c'était Heureuse comme une arabe en France, les marcheuses, avec Hadria, Samia Messaoudi, Farida Belroul, Naïma Yahi, Farida Khelfa, Pascal Blanchard, prise de son, Valérie Lavalard, Florent Layani, Yann Frécy, mixage, Claude Nior, documentation, Anne Delaveau et Antoine Villot. Un grand merci à Leila Djitli, Joseph Confavreux et l'association Sheba à Marseille. Attachée de production, Marivonne Bolivier, coordination, Perrine Kervran. LSD, c'est tout pour aujourd'hui. Bibliographie, lien ou pour nous réécouter aux Minguettes, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr.